J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le dos. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le métro. Ne pousse pas sort sur le métro. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le dos. Tête ils font mal, quand on heure je leur cale. Mais dis-moi c'est quoi ça, ça pose que l'eau d'ailleurs. À moi je suis comme avant, sauf que je fais de l'avant. Je vais dans mon ghetto, je connais pas tous ces gars-là. Elle veut la photo mademoiselle, prends pas ma voiture de calcol. Elle veut la chambre à l'hôtel, toute la nuit elle fait sa belle. Mais d'où elle sort celle-là, tout le monde fait le boulot qu'elle a. Moi j'ai fait des trucs sales, des problèmes salaces. Avec le temps mon corps c'est là. Plus sans l'alcool, mon pote c'est pas drôle. Quand toi tu joues un rôle, arrête de faire ta folle. C'est le billet, soit manal, soit t'écris, soit me régale. Frère j'ai trop travail, dans ma twingo ça taille. Vas-y je les laisse tous braille, et dans son clé mitraille. Il n'arrive pas à ma taille, il peut plus me faire la taille. Mais qui crame sa peur, mais qui veut ma peau. Vous n'avez pas de cœur, mais je vous en veux pas trop. Top car dans ta Jeep pour aller faire du shit. La chicha ça passe au shit. La mise passe du ghetto à chic. On parle pas, on agit. Elle part toute seule la Jeep. Me fais pas la machine. Ce qu'on a même pas que tu t'imagines. Sors un 7 heures, on choupe la bip. Te mêle plus un mythe ma vie. Tous les dégâts, je la prique. Au bord de la falaise, ma grippe. Je fais pas la tâche, je fais pas le vide. Il y a des BDH où j'habite. Il y a des bancs où j'habite. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le dos. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le métro. Nous pousse pas sort sur le métro.